Bon après-midi à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici les principaux titres. Commémoration sur lundi du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, président d'Adain Melchior, et pour l'abbé Désiré Yamoulemi, analyste politique. Il faut des enquêtes approfondies pour éclairer l'opinion sur une probable main étrangère sur cet assassinat. Célébration également de la journée internationale du bégaiement ce 22 octobre, un trouble qui peut guérir selon un psychologue Eric Batungonayo. Et les organisations de la société civile et des gens présentes à Arusha, la veille du 5e round du dialogue inter-burundais, d'y avoir déjà transmis sur lundi un document sur les doléances et les solutions à la crise burundaise, en plus de l'ordre du jour proposé par la facilitation. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, commémoration sur lundi du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. Président Melchior Ndadaye a été assassiné le 21 octobre 1993 et les cérémonies se sont déroulées dans tout le pays et ont débuté par une messe en sa mémoire. Ces cérémonies ont été fixées pour ce lundi suite à la coïncidence de cette date à une journée dominicale, a précisé un communiqué du ministère de la fonction publique. Et lors d'une messe à sa mémoire, à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'assassinat du président Ndadaye, le vicaire général Anatole Rouerignang appelle les Burundais à s'inspirer de l'exemple du héros de la démocratie pour chercher le royaume de Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Rouerignang a indiqué que le président Ndadaye avait le projet de construire un Burundi nouveau sans division de toutes sortes ni injustice. Je vous prie de suivre Monseigneur Anatole Rouerignang, traduit en français par Moïse Misako. Le président Ndadaye a mis en pratique son projet de chercher le royaume de Dieu de sa façon. Il cherchait à aider les pauvres à travers son projet de construire un Burundi nouveau, un pays sans division ni discrimination de toutes sortes, un pays plein de justice, un pays prospère, un pays de paix. Dans son projet, les prisons ne seraient plus nécessaires, mais plutôt transformées en écoles. L'histoire douloureuse du Burundi devrait se refermer pour faire face à une nouvelle ère pleine de merveilles. Il ne voulait pas être égoïste. Il voulait plutôt étendre le développement intégral à tous les Burundais, même si son projet n'a pas pu se réaliser, étant bloqué par ses assassins. Jésus nous appelle à chercher le royaume de Dieu étant encore sur terre. Construisons un Burundi nouveau tout en évitant des bains de sang. Un Burundi nouveau caractérisé par la paix, la justice, l'amour, la fraternité et la prospérité. Que cet exemple d'amour du président Melchior Ndadaye aide tout Burundais à chercher à sauver son prochain. C'était Monseigneur Anatole Rouerignang. Et certains habitants de la province de Kirundo conseillent à tout un chacun d'en découdre avec l'esprit de division sur base ethnique qui conduit à des crises interminables. Ceux qui se sont exprimés au micro-trottoir de la Radio Sanganiro disent garder de mauvais souvenirs des crimes qui ont endeuillé le pays depuis l'assassinat du président Ndadaye. Ceux qui ont pris le chemin de l'exil, affirme avoir vécu une vie misérable. Je vous prie de les suivre. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye en 1993, nous avons pris le chemin de l'exil vers le Rwanda. Les autres se sont dirigés vers la Tanzanie, les autres dans d'autres pays. J'avais deux enfants, on passait des nuits dans les forêts.

les réapprends à respirer à l'endroit, mais aussi je les aide pour l'intégration de ce rythme qui manque. Quels sont les conseils que vous donnez aux bègues? Comment est-ce qu'ils devraient se conduire? Il faut essayer de vaincre la peur qui est un grand ennemi donc. Et puis il faut aussi consulter un spécialiste pour ça parce que c'est un problème qui se termine donc. Il faut chercher quelqu'un, donc un spécialiste qui vous aide pour vaincre ce problème. C'était Eric Batongwanayo, psychologue. Il a été joint au téléphone par Eline Nibel Nibigira. Et pour clore l'actualité nationale, et parlons de cette actualité sportive, dans la 12e journée du championnat national baptisé Primos League, la formation Aigle Noir de Makamba, qui vient en tête du classement provisoire, a égalisé avec Bujumbura City sur un score paritaire d'un but partout. Une deuxième égalisation que certains amateurs considèrent comme une défaite. L'équipe de Messager Ngozi, qui représentera le pays dans la Ligue des champions africains, risque la dernière position de ce classement provisoire. En basketball, ce dimanche, l'équipe Dynamo du côté masculin, des Gazelles du côté féminin ont remporté la Coupe des héros nationaux. Les détails sur cette actualité sportive avec Jean-Bianne Ngendakouman. Le championnat national de football en première division était à sa 12e journée ce week-end. Plusieurs matchs ont été joués dans les différents terrains de football. Vendredi à 13h30 au stade Presserui Guagasore, Vitaro FC a battu la formation Atlético Olympique 1 but à 0. À 16h, Messager Bujumbura s'est incliné 2 buts à 0 face à l'Elière. Samedi au stade Presserui Guagasore, Aigle Noir des Fighters de Makamba a égalisé 1 but partout avec Abuja City. Et au stade Urukundo de Ngozi, Kayanza United a été battu 1 but à 0 par Ngozi City. Ce dimanche, au stade Presserui Guagasore, des matchs y ont été joués. À 13h30, Lydia Dike Burundi Sport for Africa a battu la formation de Bumamuru sur le score de 3 buts à 0. À 16h, Olympique Star a été battu 2 buts à 0 par la formation policière de Rukinzo. Au stade Urukundo de Ngozi, Messager Ngozi a égalisé 3 billes partout avec Flambeau du Centre. Au stade Urunani de Luigi, devant ses supporters, Flambeau de l'Est a été battu par Musongati FC de Gitega 3 buts à 1. À cette même 12e journée, la formation Aigle Noir de Makamba vient à la tête du classement provisoire avec 32 points. Musongati FC occupe la deuxième position. La troisième place revient à Ngozi City. Lukinzo FC est quatrième avec 18 points. Les équipes de l'école de football et le Messager sont les dernières du classement. Messager Ngozi est 15e avec 10 points et Messager Bujumbura se trouve en dernière position avec 6 points. Toujours l'actualité sportive du week-end écoulé, c'est la finale en basketball dans la Coupe des Héros. Du côté féminin, c'est la formation des Gazelles qui a remporté la coupe après avoir battu Berkosta 50 points à 47. Du côté masculin, c'est Dynamo qui a été sacré champion après avoir éliminé Urunani sur le score de 71 points à 34. Actualité internationale. Actualité internationale pour clore cette édition en République démocratique du Congo. Au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans la soirée du samedi à Beni, une attaque attribuée aux combattants d'ADF, forces démocratiques alliées. Et la population est descendue dans les rues pour contester contre cette énième attaque en pleine ville de Beni et au Mali. C'est la création ce dimanche d'un nouveau front contre le pouvoir. Parmi les membres se trouvent les anciens candidats à la présidentielle malienne et au Cameroun. Le Conseil constitutionnel va proclamer ce lundi les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre. Le point avec Vestine Boutoy. Selon le récit de l'armée de la police, c'est vers 18h que les présumés combattants ADF se sont introduits dans la ville par la commune Gwenzoli, contournant une position de l'armée. Munis d'armes à feu et de machettes, ils se sont attaqués à la population civile, tuant une dizaine de personnes. D'autres civils ont été kidnappés, plusieurs maisons pillées. L'affrontement avec l'armée a duré environ 4 heures. Dimanche matin, plusieurs corps gisaient encore par terre, provoquant la colère de la population qui est descendue dans la rue. Le bâtiment de la mairie a été ciblés de projectiles et plusieurs autres cas de casse. d'Ocasse ont été rapportés. Plusieurs jeunes présumés auteurs de ces actes d'Ocasse ont été interpellés. Dans la ville, la situation est toujours tendue. La majorité de ceux des habitants de la commune Gwenzori qui se sont réfugiés au centre de Beni n'ont pas encore regagné leur domicile, craignant d'autres incursions des présumés combattants ADF. Selon le baromètre sécuritaire de Kivumu, un projet conjoint mené par Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, au moins 235 personnes ont été tuées au cours de plus de 100 attaques menées à Beni entre janvier et septembre de cette année. Au Cameroun, cette manifestation qui avait été interdite par les autorités de la ville a littéralement été étouffée par les forces de l'ordre et de sécurité. Aux premières heures de la matinée, la résidence du député du SDF Jean-Michel Netcheu, qui en était le principal organisateur, a été encerclée par plusieurs dizaines de policiers. Un de ses proches a témoigné qu'il n'a ainsi pu sortir de chez lui. Le même dispositif a été observé chez Edith K. Wallard du Cameroon People's Party sur une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On l'a vu en pleine discussion avec des policiers qui étaient postés devant sa résidence. Le point de rassemblement où étaient attendus les manifestants a aussi été investi par les forces de l'ordre ainsi que l'itinéraire où était prévue la marche. Au Mali, son nouveau front est dénommé Convergence des Forces Patriotiques. Il est composé d'anciens candidats à la présidentielle malienne, d'une dizaine de partis politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que d'associations. Ce front se fixe ses deux objectifs, se dresser contre la mauvaise gouvernance et le respect des législatives, considérées comme un tripatouillage juridique. Avec la création de la plateforme politique malienne Convergence des Forces Patriotiques, ce sont des digues politiques qui sautent. Des partis de l'opposition et de la majorité se donnent de la main pour d'abord dénoncer à la prolongation du mandat des députés. Moussa Maha, ancien premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, est membre du Nouveau Front. Toutes ces informations avec la Radio France Internationale RFI. Merci à toi, Vestine Boutoyev. C'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le Burundi commémore ce lundi le 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, président Dadaï Melchior. Et également, célébration ce lundi de la journée internationale du bégaiement, un trouble qui peut guérir selon un psychologue, Eric Batungwanayo. Et les organisations de la société civile déjà présentes à Arusha, la veille du 5e round du dialogue inter-burundais d'y avoir déjà transmis ce lundi un document sur les doléances et les solutions à la crise burundaise en plus de l'ordre du jour prévu par la facilitation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne journée à tous. Au revoir.